السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا على طاعته، ومرسي الله سبحانه وتعالى d'être parmi vous pour continuer la série des cours sur l'explication de Justa Barak. Et nous avions commencé le tafsir, l'explication de Sourate Sa'ala Sa'il, qu'on appelle aussi Al-Ma'arij. Donc Al-Ma'arij, qui est une sourate mekkiya, mekkoise comme on avait dit. Nous en sommes arrêtés au verset numéro 7, alors on va vérifier. Naam, nous en sommes arrêtés au verset numéro 7. Donc on continue, Inch'Allah ta'ala, à la suite. Qu'Allah vous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الله سبحانه وتعالى il mentionne dans ces versets quand est-ce que ce jour se produira, et il mentionne les choses effrayantes, les choses terribles de ce jour, le jour du jugement, et ce qui se produira. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: يوم تكون السماء كالمهل, le jour où le ciel sera comme du métal en fusion. Le jour, c'est-à-dire la venue du jour du jugement, où se produira ces choses effrayantes et terribles. Wallahu al-musta'an. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, c'est-à-dire comme du plomb ou comme de l'argent qui est fondu. Dû à quoi? En raison de sa déchirure. Wallahu al-musta'an. Donc ce ciel, qui était fort et solide, qui était un toit pour la terre, le jour du jugement, il disparaîtra, il se déchirera, comme, ou il fondra comme l'argent. Al-fond, wallahu al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit « وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ » et les montagnes comme de la laine. C'est-à-dire les montagnes seront mises en marche. Elles deviendront comme de la laine cardée. Imagine-toi, quand tu prends de la laine et tu la déchires comme ça, en petits bouts, ces montagnes, elles deviendront comme de la laine qui est cardée. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Qari'ah, verset 5. Ces montagnes qui étaient fortes, solides, qui maintenaient la terre pour qu'elle ne tremble pas, elles seront réduites en miettes, imaginez-vous. Méditez, barakallahu fikum. Elles seront réduites en miettes. Et elles deviendront poussières éparpillées et disparaîtront. Elles passeront comme des nuages. Comme si elles étaient, subhanallah, de la fumée. Allahu Akbar. Elles fondront en raison de l'intensité, de l'effroi de ce jour, Yawm al-Qiyamah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous mette parmi les doués d'intelligence qui méditent et qui prennent des leçons sur ce genre de verset et sur le Coran tout entier. Et ce jour-là, il se produira comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ » où nul ami dévoué ne s'enquerra d'un ami bien qu'il se voie l'un l'autre. C'est-à-dire qu'il observera son ami proche, tout près de lui. Mais il ne restera dans son cœur aucune place pour questionner son ami proche sur sa situation. Pourquoi ? Car chacun sera préoccupé par son propre sort. Malgré qu'il le voit, il est devant lui, dans la pire des situations. Mais cela ne l'apportera pas. Ils se reconnaissent les uns des autres, mais ce jour-là, ils fuiront les uns des autres. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Abasa. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père et de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Wallahu al-musta'in. Qu'Allah nous vienne en aide. Et ce verset, il est semblable à d'autres versets. Comme le verset 33 de Surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya ayyuha an-nasu taqoo rabbakum, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi, wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, inna wa'dallahi haq. » Al-aya. « Oh homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le Père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son Père. La promesse d'Allah est vérité. » Fin du verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset de Surat Fatir, « وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا » Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Fin du verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi dans Surat Al-Mu'minun, les croyants, verset 101, « فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ » Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Et ils ne se poseront pas de questions. Fin du verset. Et il y a beaucoup d'autres versets qui ressemblent à ces versets-là. Mais on se contentera de mentionner ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, en Surat Ma'arij, « يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ » Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants. Nas'Allah al-Afiyah. C'est-à-dire le mécréant et même le désobéissant parmi les musulmans, celui qui aura mérité le châtiment, il aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, c'est-à-dire qu'il voudrait payer une rançon à la place, en livrant les gens les plus proches pour ne pas être châtié. Mais dans l'au-delà, cela est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants. Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, wa sahibatihi wa akhi, sa compagne, son frère, c'est-à-dire sa compagne, c'est-à-dire son épouse, son frère, il voudra les sacrifier pour le châtiment afin d'être sauvé. Imaginez-vous. Subhanallah. Tellement que ce jour, il sera terrible. Il voudra même sacrifier les gens les plus proches. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, wa fasilatihi allati tu'wi. Même son clan qui lui donnait asile. C'est-à-dire même sa tribu qui lui donnait asile dans cette vie d'ici-bas. Qui avait l'habitude de s'entraider. Et se soutenir les uns envers les autres. Mais le jour du jugement, cela ne sera pas bénéfique. Même si c'est la plus honorable des tribus. Ce jour, personne ne profitera à personne. Personne ne pourra intercéder envers quelqu'un, excepté avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir détaillé, c'est-à-dire quand il a dit en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, et même son clan qui lui donnait asile, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, en généralisant, il dit « وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ » Et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. C'est-à-dire, même si le criminel qui mérite le châtiment aimerait sacrifier tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver, cela ne serait pas profitable pour lui. Aucune rançon ce jour, aucun sacrifice ne sera accepté de lui-même. Même s'il vient avec tous les gens de la terre, même avec le plus cher des biens, même s'il avait la quantité de la terre en or, cela ne lui serait pas profitable. Donc on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a généralisé tout ce qui est sur la terre, quoi qu'il soit. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset de Surat Al-Ma'idah, إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux et pour eux il y aura un châtiment douloureux. Fin du verset. Méditez, mes frères, beaucoup de gens, et nous sommes parmi eux, Wallahu al-Musta'an. La hawala wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force en dehors d'Allah. Nous lisons ces nobles versets, comme s'ils concernaient d'autres que nous. Alors, on ne réfléchit même pas sur ces nobles versets qui font peur, alors que nous serons présents ce jour, dans cette situation. Et ceci nous montre, qu'Allah vous préserve, l'importance de lire le Coran avec méditation et réflexion, puis de le suivre de la pratique, qui est le but ultime de la descente du Coran. Et sachez, certes, qu'Allah vous oriente vers son obéissance, que le salut et l'issue est facile. Avec quoi ? Avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam et les œuvres pieuses. Voici la voie claire et facile. Qu'Allah nous facilite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il dit Kalla, innaha lava. Mais rien ne le sauvera. C'est un brasier. L'enfer est un brasier. Kalla. C'est-à-dire, le sens ici est la négation. Wallahu a'lam. C'est-à-dire qu'il n'y aura pour eux pas d'échappatoire et ni de solution pour se racheter du châtiment le jour du jugement. Car la parole de ton Seigneur s'est réalisée sur eux. Et le profit des proches et des amis ont disparu. Rien ne le sauvera. Innaha lava. L'enfer est un brasier, c'est-à-dire le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Il n'y aura pas d'échappatoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf, la caverne, verset 53. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Et les criminels verront le feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Fin du verset. Il n'y aura rien à part le feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit justement ce feu et son intensité dans le verset suivant, ou dans ce verset même, quand il dit un brasier, lava. Malgré toutes leurs tentatives d'y échapper, il ne leur restera que l'enfer, qu'Allah nous en préserve, pour les mécréants et les associateurs. Tandis que le musulman, celui qui a commis des péchés, comme on a vu dans la croyance des gens de la sunna, il rentrera en enfer, une partie, et il finira par entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en décrivant l'enfer, nazza'atan lishawa, arrachant brutalement la peau du crâne, ce feu qui flambera, qui arrachera la peau de la tête. Il a été dit la peau de la tête, mais il a été dit aussi dans l'explication qui arrachera en raison de son intensité les membres du corps intérieur et extérieur. Et ensuite, la peau, elle redeviendra normale. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate les Femmes, verset 56, « Kullama nadijat julooduhum, baddalnahum julooden ghayraha liyadhuqul azab, inna allaha kana azizan hakima. » Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Qu'Allah nous protège de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit « Tad'u man adbara wa tawalla » Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait. C'est-à-dire que l'enfer appellera car elle connaît les gens qui entreront. Elle prendra celui qui tournait le dos. C'est-à-dire celui qui tournait le dos dans cette vie d'ici-bas à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en se détournant de la vérité, en détournant le dos ou en tournant le dos au suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, wa tawalla et s'en allait. Il n'avait pas d'envie ni de désir à suivre la vérité. Il traitait de mensonge avec son cœur et délaissait les œuvres avec ses membres. Wallahu al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, wa jama'a fa'aw'a, amassait et thésaurisait. C'est-à-dire qu'il amassait, wa jama'a, il amassait les biens de ce bas monde, les uns au-dessus des autres, et thésaurisait. Fa'aw'a, c'est-à-dire qu'il ne les dépensait pas dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans ce qui l'éloignerait du feu de l'enfer. Donc l'enfer, elle appelle ces personnes, Yawm al-Qiyam, le jour du jugement, et se prépare pour les brûler, pour les flamber, Wallahu al-Musta'an. Tandis que celui qui amasse les biens licites de ce bas monde parmi les croyants, Walhamdulillah, et qu'il les dépense dans le chemin d'Allah, fi sabilillah, il sort la zakat, il fait l'aumône obligatoire et surérogatoire. Il sait que ses biens sont un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il se rapproche d'Allah à travers cela, c'est celui-ci dont le bien lui sera bénéfique dans cette vie et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, dans les versets suivants, il dit « Inna l'insana khuliqa halou'a, idha massahu sharru jazou'a, wa idha massahu l'khayru manou'a, illa l'musallin. » الذينهم على صلاتهم دائمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit dans le verset suivant, إن الإنسان خلق هلوعا. Oui. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné justement ce que le feu de l'enfer appellera le jour du jugement, il mentionne justement dans ces nobles versets les mauvais et détestables caractéristiques de l'homme dans sa nature, de l'être humain dans sa nature, afin que le musulman, afin que le croyant s'en écarte, et afin qu'il soit sauvé de l'enfer. Il dit « Inna l'insana khuliqa halou'a ». Oui, l'homme, c'est-à-dire l'être humain à la base, il a été créé instable. On va voir ce que ça veut dire « halou'a ». C'est-à-dire l'être humain dans sa nature, il est halou'a, c'est-à-dire il est faible. Il est inquiet et désespéré. Quand il est touché par un malheur, il est désespéré, il est faible et inquiet. Il est impatient, comme on va le voir. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en évidence ensuite cela dans les versets suivants. Il dit « إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا » Quand le malheur le touche, il est abattu. « جَزُوعًا » C'est-à-dire, par exemple, la maladie, ou la faim, ou la pauvreté, n'importe quel malheur ou épreuve qui le touche, alors il ne patiente pas. Mais bien au contraire, il s'impatiente, il est inquiet, il s'énerve, il se met en colère et désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il perd ses biens ou un membre de sa famille, il ne patiente pas. Qu'Allah nous en préserve. Et n'agrée pas ce qu'Allah lui a prédestiné. C'est pour cela qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour chacun lorsqu'on est touché par un malheur et de patienter. Et Allah nous incite dans nos nombreux versets de patienter. Comme il a dit dans Sourate Al-Baqarah, versets 155 et 156. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Fin du verset. Il est donc obligatoire, barakallahu fikum, il est obligatoire qu'il patiente lors des malheurs, et qu'ils attendent le soulagement, et qu'ils sachent, certes, que cela est prédestiné pour lui, et qu'ils sachent aussi que ce qui le touche est seulement dû à ses péchés, wallahu al-musta'an, qu'Allah nous pardonne. Il se doit alors de faire le repentir, et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, son malheur sera un bien pour lui, à ce moment-là. Mais au contraire de cela, celui qui est impatient, et se met en colère, et n'est pas satisfait par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne patiente pas face aux malheurs et aux épreuves, alors ça sera pour lui un mal. Qu'Allah nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Les caractéristiques encore de l'être humain. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Et quand le bonheur le touche, un bien le touche, il est grand refuseur. Manoua, il n'est pas seulement refuseur, il est grand refuseur, c'est-à-dire qu'il refuse beaucoup. On va voir. C'est-à-dire quand le bonheur le touche, comme la subsistance, la santé, la sécurité, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il est ingrat et refuse de donner ce qu'Allah lui a octroyé comme bienfait et grâce. Il devient alors avare. Il ne sort pas les droits obligatoires de ses biens ainsi que les droits recommandés. Subhanallah, il pense protéger et épargner son argent en étant avare, alors que c'est le contraire. Son argent devient mauvais. Mais s'il l'avait purifié et s'il l'avait donné en aumône, cela aurait été une cause pour protéger ses biens. Et cela n'aurait fait qu'augmenter ses biens, car l'aumône, comme vous le savez, ne fait pas diminuer l'argent, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Mais il le fait seulement augmenter. L'aumône purifie les biens et l'augmente. Et Allah subhanahu wa ta'ala le remplace par un meilleur bien pour son propriétaire. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Saba, verset 39, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Et c'est lui le meilleur des donateurs. Mais l'être humain, à la base, fait le contraire de cela. Lorsqu'un bien le touche, il devient avare. Il refuse de donner l'aumône obligatoire et recommandée. Donc, parmi les caractéristiques de l'être humain, il y a l'impatience dans le malheur et le manque de reconnaissance lors des bienfaits. Tandis que le croyant et la croyante, lui, c'est le contraire. Alhamdulillah. Si un malheur le touche ou une épreuve, il patiente. Et s'il est touché par un bienfait, il est reconnaissant. Comme il est venu dans le hadith d'après Suhayb al-Rumi, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme la situation du croyant est étonnante, certes sa situation est toujours dans le bien, Certes, sa situation est toujours dans le bien. S'il lui arrive une facilité, il remercie et ceci est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, il patiente et ceci est un bien pour lui. Et ce hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous mettre parmi ces gens. Car ce n'est pas facile. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala il facilite. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce qui purifie l'homme de ses mauvais et blâmables caractéristiques, justement, qui est la prière. Et ce qui suit parmi les bonnes mœurs, les bons caractères. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, sauf ceux qui pratiquent la salat, illa al-musallin. Sauf ceux qui pratiquent la salat, la prière. C'est-à-dire, sauf ceux qu'Allah a protégé et facilité et les a guidés vers le bien et les causes de ces mauvaises caractéristiques. C'est-à-dire les prieurs, ceux qui prient, qui sont innocents, qui se désavouent de ces mauvais caractères. Car la prière préserve de la turpitude et du mal, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Ankabut, l'araignée verset 45. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Et accomplis la salat. En vérité, la salat, la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans Sourate Al-Baqarah, verset 45, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Et cherchez secours dans l'endurance et la salat, la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Et il dit dans la même sourate, verset 153, c'est-à-dire dans sourate Al-Baqarah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. Donc l'homme, il cherche de l'aide, il cherche secours dans les malheurs ou les événements tragiques à travers deux choses. Deux causes. La patience et le manque d'impatience. La patience, et c'est-à-dire le fait de ne pas être impatient, justement. C'est ça que je voulais dire. Donc la patience et le fait de délaisser l'impatience. Et à travers la deuxième source, c'est-à-dire la prière. Car il y a dans celle-ci le soulagement. Il y a dans la prière le soulagement. Car le prieur, celui qui prie, s'adresse à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et il l'invoque. Il est debout devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et la prière lui procure de la force, de la tranquillité et l'augmentation de la foi. Et c'est une cause pour augmenter la foi, que ce soit dans les prières obligatoires ou surérogatoires, c'est-à-dire recommandées. Il y a certes dans la prière le bonheur et la joie immense, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour une de ces raisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a légiféré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné ces versets, il va mentionner ensuite leur description, c'est-à-dire de ces gens qui ont de bonnes caractéristiques et de bons caractères. Allah il dit « الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ » qui sont assidus à leur salat. Et Inch'Allah ta'ala, on continuera à expliquer ces nobles versets dans le cours prochain, dimanche prochain, Inch'Allah ta'ala, à la même heure. Qu'Allah nous facilite et nous donne la réussite, ainsi qu'à vous. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا خير الجزاء والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.